Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la nourriture. C'est un sujet assez délicat dans ce pays qui est l'Angleterre. Alors pour commencer, qu'est-ce qui est le plus étrange? Je pense que c'est les petits-déj. Ouais. Moi, on en a fait qu'un, un full English breakfast comme ils disent là-bas. Mais j'ai trouvé ça assez traumatisant en fait. C'était le jour où on était à l'hôtel avec Malik parce qu'on n'avait pas encore de chambre. C'est impressionnant. Ils t'amènent une assiette. Dedans, t'as des tranches de bacon, des baked beans. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des haricots cuits dans la sauce tomate. Une tomate, des petites saucisses, un œuf au plat. Et pour un Français, franchement, ça choque. Et sur la table du petit-déj, il y a du ketchup. Ouais. C'est. Non, non, vraiment, c'est impressionnant. Mais bon, ça, c'était que le petit-déj parce que. Ils ont aussi des trucs à manger. Déjà, le repas de l'étudiant moyen là-bas, pour ceux qui y sont jamais allés, c'est les baked beans. Ça, c'est un truc, c'est affreux. Ça coûte vraiment que dalle, c'est-à-dire ça coûte environ 45 centimes d'euros. Donc c'est vraiment que dalle, ça fait un repas parce que ça te bourre, mais c'est vraiment immonde quoi. Je vous déconseille. Donc si vous trouvez mieux, n'hésitez pas. Sinon, qu'est-ce qu'on a de fantastique? Qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, c'est pareil, il faut faire gaffe à tout ce qui est boîte là-bas parce que ils te font des spaghettis en boîte, c'est des trucs, ça a aucun goût, c'est immangeable. Je sais pas pourquoi Malik avait choisi d'essayer ça, putain j'ai goûté, c'est immonde. Qu'est-ce qu'on a essayé de beau encore? Vraiment des trucs. Il y a des trucs pas mal. Si, l'autre fois on a mangé un crumble, il était vraiment bon, faut reconnaître. Bon, c'est quand même bien un truc anglais, il faut bien qu'ils aient des trucs bons quand même. Sinon, l'intérêt c'est d'essayer de faire le plus souvent possible la cuisine. Comme ça, t'es sûr de manger quelque chose de potable, même si t'as des éléments de base pas top. Donc, c'est ce qu'on fait avec Malik, on achète pas mal d'oignons, pas mal de viande, de légumes. Ça coûte assez cher, mais au moins tu manges correct. On essaye de faire un repas correct par jour. En général, le midi, on mange une boîte. Donc voilà, ça nous nourrit et tant pis, hein. Et sinon, le soir, on se fait la cuisine. Et des fois, on fait cuisine commune avec les collègues, donc on mange soit indien, soit chinois, soit ce qu'on fait nous. Enfin bon, voilà quoi. Voilà, c'était un peu pour parler de la cuisine anglaise. Ciao à tous!